On dit souvent que la musique, c'est l'art de combiner les sons. La musique, c'est une consolatrice bien douce pour l'âme et pour l'esprit.